Le matelot d'Amsterdam par Guillaume Apollinaire. Le brick hollandais, l'Alkmaar, revenait de Java, chargé d'épices et d'autres matières précieuses. Il fit escale à Southampton, et les matelots eurent permission de descendre à terre. L'un d'eux, Hendrik Versteeg, emportait un singe sur l'épaule droite, un perroquet sur l'épaule gauche, et en bandoulière, un ballot de tissu indien qu'il avait l'intention de vendre dans la ville ainsi que ses animaux. On était au commencement du printemps, et la nuit tombait encore de bonne heure. Hendrik Versteeg marchait d'un bon pas dans les rues un peu brumeuses que la lumière du gaz n'éclairait qu'à peine. Le matelot pensait à son prochain retour à Amsterdam, à sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans, à sa fiancée qu'il attendait à Monnickendam. Il supputait l'argent qu'il retirait de ses animaux et de ses étoffes, et il cherchait la boutique où il pourrait vendre ses marchandises exotiques. Dans Above Bar Street, un monsieur très correctement mis l'aborda en lui demandant s'il cherche un acheteur pour son perroquet. « Cet oiseau, dit-il, ferait bien mon affaire. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle sans que j'aie à lui répondre et je vis tout seul. » Comme la plupart des matelots hollandais, Hendrik Versteeg parlait l'anglais. Il fit son prix qui convainc à l'inconnu. « Suivez-moi, dit ce dernier, j'habite assez loin. Vous mettrez vous-même le perroquet dans une cage que j'ai chez moi. Vous déballerez vos étoffes et peut-être en trouverai-je à mon goût. » Tout heureux de l'aubaine, Hendrik Versteeg s'en alla avec le gentleman, auquel, dans l'espoir de lui vendre aussi, il fit en route l'éloge de son singe, qui était, disait-il, d'une race fort rare, une de celles dont les individus résistent le mieux au climat de l'Angleterre et qui s'attachent le plus à leur maître. Mais bientôt, Hendrik Versteeg cessa de parler. Il dépensait ses paroles en pure perte, car l'inconnu ne lui répondait pas et ne semblait même point l'écouter. Ils continuèrent leur route en silence, l'un à côté de l'autre, seuls, regrettant leur forêt natale, au tropique, le singe effrayé dans la brume, poussait parfois un petit cri semblable au vagissement d'un enfant nouveau-né, le perroquet battait des ailes. Au bout d'une heure de marche, l'inconnu dit brusquement « Nous approchons de chez moi. » Ils étaient sortis de la ville. La route était bordée de grands parcs, clos de gris. De temps en temps brillaient, à travers les arbres, les fenêtres éclairées d'un cottage, et l'on entendait, à intervalles, dans le lointain, le cri sinistre d'une sirène en mer. L'inconnu s'arrêta devant une grille, tira de sa poche un trousseau de clés, et ouvrit la porte qu'il referma après que Hendrik l'eut franchi. Le matelot était impressionné. Il distinguait à peine, dans le fond d'un jardin, une petite villa d'assez bonne apparence, mais dont les persiennes fermées ne laissaient passer aucune lumière. L'inconnu silencieux, la maison sans billes, tout cela était assez lugubre. Mais Hendrik se souvint que l'inconnu habitait seul. « C'est un original, » pensa-t-il, « et comme un matelot hollandais n'est pas assez riche pour qu'on l'attire dans le but de le dévaliser, il eut honte de son moment d'anxiété. « Si vous avez des allumettes, éclairez-moi, » dit l'inconnu en introduisant une clé dans la serrure qui fermait la porte du cottage. Le matelot obéit et dès qu'ils furent à l'intérieur de la maison, l'inconnu apporta une lampe qui éclaira bientôt un salon meublé avec goût. Hendrik Versteeg était complètement rassuré. Il nourrissait déjà l'espoir que son bizarre compagnon lui achèterait une bonne partie de ses étoffes. L'inconnu qui était sorti du salon revint avec une cage. « Mettez-y votre perroquet, » dit-il. « Je ne le placerai sur un perchoir que lorsqu'il sera apprivoisé et saura dire ce que je veux qu'il dise. » Puis après avoir fermé la cage où l'oiseau s'effarait, il pria le matelot de prendre la lampe et de passer dans la pièce voisine où se trouvait, disait-il, une table commode pour y étaler des étoffes. Hendrik Versteeg obéit et alla dans la chambre qui lui était indiquée. Aussitôt, il entendit la porte se refermer derrière lui. La clé tourna, il était prisonnier. Interdit, il posa la lampe sur la table et voulut se ruer contre la porte pour l'enfoncer, mais une voix l'arrêta. « Un pas et vous êtes mort, matelot !» Levant la tête, Hendrik vit, par une lucarne qu'il n'avait pas encore aperçue, le canon d'un revolver braqué sur lui. Terrifié, il s'arrêta. Il n'y avait pas à lutter. Son couteau ne pouvait lui servir dans la circonstance. Un revolver même eût été inutile. L'inconnu qui le tenait à sa merci s'abritait derrière le mur à côté de la lucarne d'où il surveillait le matelot et où passait seul la main qui braquait le revolver. « Écoutez-moi bien, » dit l'inconnu, « et obéissez. Le service forcé que vous allez me rendre sera récompensé. Mais vous n'avez pas le choix. Il faut m'obéir sans hésiter, sinon je vous tuerai comme un chien. » Ouvrez le tiroir de la table. Il y a là un revolver à 6 coups, chargé de 5 balles. Prenez-le. Le matelot hollandais obéissait presque inconsciemment. Le singe sur son épaule poussait des cris de terreur et tremblait. L'inconnu continua. « Il y a un rideau au fond de la chambre. Tirez-le. » Le rideau tiré, Hendrik vit une alcôve dans laquelle, sur un lit, pieds et mains liés, bâillonnés, une femme le regardait avec des yeux pleins de désespoir. « Détachez les mains et les pieds de cette femme, » dit l'inconnu, « et ôtez-lui son bâillon. » L'ordre exécuté, la femme, toute jeune et d'une beauté admirable, se jeta à genoux du côté de la lucarne en s'écriant « Harry, c'est un guet-apens infâme. Vous m'avez attiré dans cette villa pour m'y assassiner. Vous prétendiez l'avoir loué afin que nous y passions les premiers temps de notre réconciliation. Je croyais vous avoir convaincu. Je pensais que vous étiez finalement certain que je n'ai jamais été coupable. Harry, Harry, je suis innocente. » « Je ne vous crois pas, » dit sèchement l'inconnu. « Harry, je suis innocente, » répétait la jeune dame d'une voix étranglée. « Ce sont vos dernières paroles et je les enregistre avec soin. On me les répétera toute ma vie. » Et la voix de l'inconnu trembla un peu, mais redevint ferme aussitôt. « Car je vous aime encore, » ajouta-t-il. « Si je vous aimais moins, je vous tuerais moi-même. Mais cela m'est impossible, car je vous aime. Maintenant, matelot, si avant que je n'aie compté jusqu'à 10, vous n'avez pas logé une balle dans la tête de cette femme, vous tomberez mort à ses pieds. 1, 2, 3. Et avant que l'inconnu eût le temps de compter jusqu'à 4, Hendrik, affolé, tira sur la femme, qui, toujours à genoux, le regardait fixement. Elle tomba la face contre le sol, la balle l'avait frappée au fond. Aussitôt, un coup de feu parti de la lucarne vint frapper le matelot à la tempe droite. Il s'affaissa contre la table, tandis que le singe, poussant des cris aigus d'épouvante, se cachait dans sa vareuse. Le lendemain, des passants ayant entendu des cris étranges venus d'un cottage de la banlieue de Southampton, avertirent la police, qui arriva bientôt pour enfoncer les portes. On trouva les cadavres de la jeune dame et du matelot. Le singe sortit brusquement de la vareuse de son maître, sauta au nez de l'un des policiers. Il les effraya tous à tel point qu'ayant fait quelques pas en arrière, ils l'abattirent à coups de revolver avant d'oser approcher de nouveau. La justice informa. Il parut clair que le matelot avait tué la dame et s'était suicidé ensuite. Néanmoins, les circonstances du drame paraissaient mystérieuses. Les deux cadavres furent identifiés sans peine. Et l'on se demanda comment Lady Fingal, femme d'un père d'Angleterre, s'était trouvée seule dans une maison de campagne isolée avec un matelot arrivé la veille à Southampton. Le propriétaire de la villa ne put donner aucun renseignement propre à éclairer la justice. Le cottage avait été loué, 8 jours avant le drame, à un soi-disant Collins de Manchester qui, d'ailleurs, demeura introuvable. Ce Collins portait des lunettes, il avait une longue barbe rousse qui pouvait fort bien être fausse. Le lord arriva de Londres en toute hâte. Il adorait sa femme et sa douleur faisait peine à voir. Comme tout le monde, il ne comprenait rien à cette affaire. Depuis ces événements, il s'est retiré du monde. Il vit dans la maison de Kensington sans autre compagnie qu'un domestique et un perroquet qui répète sans cesse « Harry, je suis innocente !» C'était Le Matelot d'Amsterdam par Guillaume Apollinaire.